bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Par laquelle voulez-vous que je commence? Tiens, on va commencer par la mauvaise. Eh bien oui, nous sommes enregistrés ce matin, donc malheureusement, nous ne pourrons pas communiquer ensemble directement. La bonne nouvelle, c'est parce que nous allons nous consacrer à un personnage étonnant, sortant véritablement de l'ordinaire, et comme il vit aux États-Unis, eh bien il était de passage que dans la semaine à Paris, et par conséquent, nous ne pouvions pas l'avoir dans notre studio en ce dimanche matin. Ce personnage, il est chercheur, il est astronome, il vit aux États-Unis depuis 35 ans, aujourd'hui il est informaticien. Rencontre du troisième type, le cinéma, ça vous dit quelque chose, hein, le film de Spielberg, eh bien le scientifique, c'était lui, scientifique incarné par Truffaut. Jeune homme, Jacques Vallée, il est à nos côtés, et avec lui nous allons faire le point sur les extraterrestres grâce à tous ces dossiers qu'il a eu en sa possession. Alors il y a les croyants purs et durs qui disent « à n'en pas douter, ça existe », il y a les autres qui disent « bouchons-nous les oreilles, tout ça n'est qu'ineptie », et puis bah, je dirais que vous êtes entre deux et peut-être le plus crédible parce que le seul à avoir eu accès, entre autres, au dossier de l'Air Force. Pendant des années et des années, vous avez pu puiser là matière à information et surtout mener des enquêtes pour voir ce que l'on pouvait en tirer. Oui, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous m'avez invité, parce que je suis probablement la seule personne au monde qui ne sait pas ce que sont les ovnis. Tous mes collègues en sciences savent très bien que c'est des hallucinations et des mirages, etc. Et tous mes amis en ufologie savent que nous sommes visités par des petits gris extraterrestres, etc. Je continue à faire de la recherche. Je suis persuadé qu'il y a un phénomène, qu'il y a un phénomène physique, non expliqué, matériel, mais qu'il n'y a pas que ça. Et je suis arrivé à cette conclusion par une lente progression qui a commencé en France. J'ai fait, comme vous le rappeliez, des études d'astrophysique en France. Et j'étais persuadé que s'il y avait des ovnis, les astronomes les verraient et les astronomes nous le diraient. Sur quoi, au cours de mon adolescence, j'avais vu un objet au-dessus de Pontoise. Voilà, vous êtes né, originaire de cette région. Et j'avais vu un objet avec d'autres témoins indépendants que je n'ai jamais réussi à expliquer. Alors, il était comment cet objet déjà? Cet objet, c'était une soucoupe classique. C'était un disque argenté qui réfléchissait le soleil avec ce qui ressemblait à un dôme transparent par-dessus. J'avais un ami qui se destinait à des études d'ingénieur, qui habitait à un kilomètre de chez moi, qui l'a regardé à la jumelle et qui a décrit exactement la même chose. On n'a jamais réussi à expliquer, mais sur le moment, je me suis persuadé que ça devait être un prototype de quelque chose. Seulement, ça faisait pas de bruit, c'était suspendu dans l'air, à pas une très grande altitude, c'était clairement visible. Et donc, sur le moment, c'était tellement en dehors de la réalité normale que je n'ai pas vraiment prêté attention, j'ai continué mes études. D'autant plus que votre papa, il n'était pas très ouvert dans le... Il n'était pas ouvert à ça. Il y a un livre qui est prétexte à notre rencontre, il s'appelle Science Interdite, et c'est le journal intime que vous avez rédigé de 1957 à 1969. Et on voit bien tous les atermoiements, toutes vos curiosités, comment d'abord vous êtes dans l'avalisation du phénomène, presque dans la croyance pure et dure, et puis après vous dites, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et c'est passionnant parce que, en plus, vous avez une sorte d'impudeur qui nous permet de vous comprendre et de suivre ce qu'est le cheminement d'une pensée pour un jeune chercheur. Hein, voilà. Mon père était magistrat, il avait été longtemps juge d'instruction, il avait une grande expérience du témoignage humain. Et pour lui, les témoignages qui n'étaient pas vérifiables, parce que souvent on se trouve devant des témoignages, des gens qui ont été surpris par le phénomène, mais qui n'ont pas de preuve du phénomène. Donc pour lui, ces témoignages étaient suspects. Et pour un juge, c'est normal qu'un témoignage soit suspect. C'est normal, non, mais il avait l'expérience de... Bon, on sait bien que dans un accident de voiture, s'il y a 10 témoins, il y a 10 histoires différentes. Bon, il faut arriver à reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Ce qui m'a vraiment convaincu de me passionner pour le problème, c'est dans mon travail d'astronome, c'était tout à fait au début des expériences spatiales, et nous faisions du suivi de satellites, du tracking de satellites artificiels, et de temps en temps, on faisait du tracking de satellites qui n'auraient pas dû être là. Or, bon, il y a des satellites secrets, bien sûr, sauf que c'est difficile de garder secret un lancement de fusée. Oui. Donc le satellite peut être difficile à voir, mais la fusée, on la voit. Donc on était aussi au courant, puis à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de satellites, c'était tout à fait au début. Et plusieurs nuits de suite, nous, c'est-à-dire toute l'équipe, en fait, à l'observatoire de Meudon, avait fait le suivi d'un objet sur lequel on avait 11 pointés, qui était rétrograde en plus. Alors ça dit peut-être rien aux gens qui nous écoutent, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de fusée au monde qui pouvait lancer un satellite qui était en orbite autour de la Terre dans le sens inverse de la rotation de la Terre. D'accord. Donc c'était très, nous, ça nous passionnait parce que c'était un objet non identifié. Et mais qui était, disons, au rendez-vous tous les soirs. On l'a vu plusieurs fois et plusieurs observatoires français l'ont vu. D'accord. Et bon, une question que se pose tout de suite à l'astronome, c'est est-ce que ça peut être, par exemple, une météorite, voilà. un objet cosmique qui s'est trouvé en orbite autour de la Terre, ce qui serait très, très intéressant. Et le lendemain, le directeur du département est arrivé, a pris cette bande magnétique et l'a effacée. Or, ça m'a beaucoup choqué parce qu'en astronomie, bon, en physique, on peut toujours refaire une manip. En astronomie, on apprend que quand on fait une observation, bien on la sûr, garde. Bien sûr. Et surtout, si on ne peut pas l'expliquer, on la communique à ses collègues. Et puis peut-être que dans un an, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, quelqu'un découvrira la raison du phénomène. Mais surtout, on considère cela comme un trésor, un filon potentiel, et on a la curiosité, et je dirais la déontologie, de le conserver et de l'étudier. Oui. Alors pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je voyais que les astronomes voyaient des choses qu'ils n'expliquaient pas et ils détruisaient les données. Alors, c'est pas du tout comme ça que je concevais la science. Et d'ailleurs, la principale raison qui nous a donné pour cette destruction des données, c'est si on transmettait ça aux Américains, parce qu'on faisait partie de l'année géophysique internationale, donc on transmettait toutes les données internationalement, mais nos collègues étrangers se moqueraient de nous. C'était donc la peur du ridicule qui causait cette espèce de crispation et de destruction des données. Or, plus tard, j'ai donc travaillé à l'observatoire de l'université Northwestern près de Chicago aux États-Unis, où j'ai fait mon doctorat en informatique. J'ai eu le privilège de travailler avec le professeur Hynek, qui était le conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine sur la question des ovnis, tout à fait officiellement. Et c'est là que j'ai eu l'accès donc au dossier de l'Air Force. Et ils avaient non seulement des observations du même objet que nous à l'Observatoire de Paris, mais ils avaient des photographies. Et cet objet n'a jamais été expliqué. Donc les Américains en avaient fait le tracking aussi, et j'ai toujours la photo. Alors ce qui est formidable, c'est que dans ces dossiers de l'Air Force, quand on suit l'élaboration, je dirais, de cette accumulation d'éléments troublants, il y a ceux qui sont là avérés, vous sentez bien qu'il y a des manipulations, puis un jour, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, tout cela, c'était peut-être aussi une façon de faire plaisir aux scientifiques et mettre pour mieux les endormir. Le phénomène est tellement varié en 4 ans, si vous voulez, sur mon temps personnel, bien sûr, j'ai épluché 11 000 dossiers de l'armée de l'air américaine. C'était à cette époque-là, l'armée de l'air américaine faisait un rapport donc tous les ans au Congrès en disant cette année encore, nous avons réussi à expliquer 97% ou 98% de tous les cas. Ce qui voulait dire que s'ils dépensaient un petit peu plus d'argent, s'ils avaient un peu plus de chercheurs, ils pourraient expliquer aussi les 3% qui restaient. J'ai repris toutes les statistiques et il était clair qu'une majorité des cas étaient explicables, y compris des cas vu par des pilotes, etc. C'était explicable par des effets dans l'atmosphère. Tout ça, c'est vrai. Que ce que disent les rationalistes, si vous voulez, les sceptiques, c'est vrai qu'une majorité des cas est explicable par des effets atmosphériques, des mirages. Mais il reste. Voilà. Il reste les cas qui ne sont pas expliqués. Et c'est cela qui devrait. Alors, il y a un crime qui est commis aux États-Unis, en France, dans tous les grands pays, c'est que les vraies données ne sont pas à la disposition des scientifiques. Les vraies données sont, c'est-à-dire les cas des pilotes militaires, par exemple, les cas des radars militaires, souvent même les cas venant du public, sont censurés. Ou sont gardés par des équipes militaires qui ne... Alors, les militaires ont une raison légitime de s'intéresser à ces questions-là. parce que... Ils peuvent croire que ça vient de l'ennemi potentiel, surtout à l'époque, parce que c'était les soviétiques. Bien sûr, c'était, c'était la guerre froide. Voilà. Ou bien ils peuvent... bon, je me souviens d'un des premiers cas des dossiers du projet Blue Book de l'Air Force, c'était au début des années... fin des années 40 ou début des années 50, il y a des gens qui voyaient un objet au-dessus de l'Alaska, un objet qui volait très très haut, et qui visiblement ne pouvait pas être un avion parce qu'il était beaucoup plus haut qu'un avion. Bon. Et ils ont donc fait un rapport à l'armée de l'air, et l'armée de l'air l'avait classé comme non identifié, c'est-à-dire comme un ovni. En fait, ils savaient très bien ce que c'était, des U-2 qui allaient vers l'Union soviétique, mais ils ne pouvaient pas donner d'explication. Donc là, il y avait une censure. D'autre part, il peut y avoir des phénomènes naturels ou artificiels qui sont... Alors on sait que le phénomène OVNI, entre autres choses, a un effet sur nos capteurs, c'est-à-dire sur les radars, sur un certain nombre d'appareils déployés par les militaires, et pourrait à la limite déclencher même une alerte, voire une alerte nucléaire. Si supposé qu'un OVNI, quel que soit cet objet, arrive sur une trajectoire qui ressemble à un missile, il déclenchera une alerte. Et en fait, c'est arrivé, on sait que c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Union soviétique. Alors, ce que je vous propose, on fait une pause, et puis on va voir les dossiers qui méritent d'être levés, ceux qui vous ont le plus troublé. Nous sommes avec Jacques Vallée, ce scientifique français qui vit aux États-Unis, et donc on se retrouve dans un instant. Scientifique français, astronome de formation, aujourd'hui informaticien, il est aux États-Unis. Je rappelle, si vous arrivez avec nous, le personnage qui, dans le film de Spielberg, La rencontre du troisième type, le scientifique français, c'est lui, hein, vous l'avez inspiré. Et donc, bien, vous avez eu ce bonheur de pouvoir être en contact avec ces dossiers presque secrets de l'Air Force pendant des années et des années. On a commencé à les ouvrir avec vous. On a vu qu'il y avait, des cas qui n'étaient pas à prendre en considération. Voyons maintenant ce que les sceptiques devraient quand même prendre en considération au lieu de se fermer les yeux. Je me souviens de mon professeur d'astrophysique en France, s'appelait Vladimir Kourganov, et il avait écrit que toute vérité pour rentrer dans le royaume de la science devait passer entre deux monstres, qui sont le fanatisme et le scepticisme. Et je crois que ça s'applique particulièrement à ce sujet. Pour beaucoup de gens, s'il y a des ovnis, c'est des extraterrestres. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de problème, on a fait l'équation, si vous voulez, entre ovnis et extraterrestres. Pour les sceptiques, bien sûr, ça ne peut pas exister, donc ça n'existe pas, donc ce n'est pas la peine d'aller voir les cas. Je me souviens, il y avait un organisme français au sein du CNES qui s'appelait le GEPAN, qui s'appelle maintenant le CEPRA, dont les chercheurs avaient invité des sceptiques français, en particulier des rationalistes astronomes, à venir avec eux sur le terrain. Ils ont toujours refusé de venir sur le terrain parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aller sur le terrain puisque ça n'existait pas. Donc ils avaient déjà les réponses. C'est pas comme ça qu'on fait de la science. On fait de la science en regardant le phénomène ou les phénomènes et puis en essayant de les trier. Alors j'avais repris l'ensemble des statistiques de l'armée de l'air. Donc il y avait une majorité des cas qui s'expliquaient. Il y avait quelques cas qu'on pouvait attribuer à des phénomènes naturels mal connus. Et d'ailleurs depuis, on a découvert un certain nombre de choses sur la haute atmosphère à cause des satellites, Et puis il restait des cas qui étaient vraiment des cas où il y avait un objet physique, matériel. Est-ce qu'il y a un pourcentage à peu près? C'est 5%, 10%? Il y avait en gros quatre catégories. Il y avait une catégorie de vraiment d'erreurs physiques classiques, phénomènes les cas qui, pour vous, appartiennent à l'inexplicable, c'est 5%? C'est 5 à 10%. Et c'est vrai dans tous les pays. Hein. On fait des statistiques en France, mais des statistiques aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Le phénomène est très robuste. Ce qui apparaît aussi clairement, il y a les cas isolés et puis il y a les grandes vagues. Dans votre livre « Science interdite », ce journal intime de 1957 à 1969, aux éditions OP, vous dites très clairement, par exemple en 1954, alors là il y en a partout, des ovnis. Et puis, après, on s'aperçoit que c'est à tel endroit, qu'il y aurait également une sorte d'ordonnancement, c'est-à-dire que les apparitions ne se feraient pas tout à fait au hasard. Oui, alors au début, on avait réuni un petit groupe, un petit club qu'on a appelé le Collège Invisible, hein, de scientifiques, à la fois aux États-Unis et en France, qui se passionnaient pour le sujet. Alors il y avait par exemple Yves Rocard, le professeur Rocard, il y avait des gens comme Pierre Guérin, qui est mort récemment, qui était astronome, et on avait une certaine arrogance. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, on est les premiers scientifiques qui regardent ça, on a une formation scientifique, on a des ordinateurs, on va classer tout ça, on va prendre les meilleurs cas, et puis on va trouver la réponse. Alors, on a commencé à chercher des modèles, dans le temps, dans l'espace, etc. On est tout de suite tombé sur ce découpage en vagues. Hein. Le phénomène n'est pas un phénomène constant sur la planète. Il se manifeste par des vagues intenses sur une région donnée qui durent 2 à 3 mois, et puis qui disparaissent. Et donc on a essayé de reconstituer cette structure de vagues et de voir si elle était en corrélation avec quelque chose dans l'environnement. On n'a jamais trouvé une véritable corrélation, donc ça reste un problème. Le phénomène est extrêmement robuste dans la mesure où ces manifestations sont les mêmes sur toute la planète, dans toutes les cultures. Donc quand les psychosociologues nous disent c'est des hallucinations, même les hallucinations au Brésil, c'est pas la même chose que les hallucinations dans le Grand Nord du Canada et les hallucinations en France. Bon. Donc, alors à un moment donné, parce qu'on peut s'arrêter sur cette notion d'hallucination, puisque le mot vous est venu, alors on va faire une petite dérive, c'est-à-dire que les hallucinations, pour certains, ce sont les hallucinations mystiques. Alors vous parlez du Brésil, terre extrêmement religieuse, il y a Jésus qui est là sur les baies de Rio, la Vierge Marie, etc., etc. Alors est-ce que l'on pourrait considérer qu'il y ait une sorte d'analogie possible, et ça vous l'envisagez à un moment donné comme hypothèse, entre ce type quand même de ressenti d'une population capable de croire à une sorte d'omniprésence comme ça, et puis les phénomènes ovnis en tant que tels? Alors, j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, dans ce livre, je me suis attaché à rappeler, à noter les conversations que j'avais pu avoir avec, notamment avec Aimé Michel, par exemple, qui est un esprit méconnu, enfin, des vraiment brillants esprits qui ont existé en France sur ce sujet. C'est lui qui m'avait orienté vers ce lien qui existe entre le phénomène OVNI et les phénomènes paranormaux. Alors, là, je suis responsable un peu d'une erreur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué là-dessus et qui m'ont essayé de me classer parmi ceux qui nient le phénomène parce que j'ai employé le mot de psychisme. Alors, c'est un peu une erreur, une mauvaise traduction de l'anglais, parce que en anglais, psychic research ou psychic phenomenon, ça veut dire un phénomène lié à la conscience. Quand on emploie le mot de phénomène psychique en français, ça suggère quelque chose qui n'existe pas, ça suggère une hallucination. Et là, franchement, j'ai fait le contresens. Il est clair que, au-delà des manifestations matérielles, physiques, réelles du phénomène, dans l'environnement, enfin, l'interaction avec l'environnement, interaction électromagnétique, traces, résidus matériels, etc., qu'on étudie, qu'on continue à étudier, il y a un effet sur le psychisme des témoins. Alors, c'est-à-dire sur la conscience des témoins. Donc il y a des personnes qui se retrouvent avec une réalité, au moins pour eux. Oui. Ah, c'est-à-dire on ne peut pas non plus, dans notre conversation, et on va rapidement l'aborder, parce que si on était uniquement dans le rapport avec des photos, il y a toujours les doutes, ce trucage, etc., etc., mais il y a les stigmates des relations pseudo-extraterrestre. Un cas classique, c'est le cas de Betty et Barney Hill, des gens que j'ai connus, qui étaient les premiers témoins, les témoins dans le premier cas d'abduction aux États-Unis. L'abduction, c'est donc quand on est enlevé, c'est ça? Le rapport qu'ils ont fait, c'est que, bon, d'abord, ils avaient vu un objet dans le ciel, dans le New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis. Ils rentraient chez eux, et à la suite de leur voyage, ils rentraient de vacances, ils ont une série de cauchemars absolument affreux, et ils sont allés voir un médecin qui les a envoyés voir un psychiatre. Le psychiatre était un des psychiatres de l'armée américaine pendant la guerre, quelqu'un qui avait une grande expérience de l'hypnose, qui les a hypnotisés en étant à peu près certain qu'il allait trouver une raison dans les relations du couple. Et il a été obligé de se convaincre que, sous hypnose, indépendamment l'un de l'autre, les deux, à la fois Betty et Barney, se rappelaient de quelque chose dont ils n'étaient pas conscients normalement, d'avoir approché cet engin, il faut bien l'appeler un engin, et d'avoir été emmené à l'intérieur de cet engin. Alors, j'ai passé 2 jours avec Betty Barney Hill et le docteur Simon chez les Hill dans le New Hampshire. Et j'ai demandé à un certain moment, on a écouté les bandes qui sont absolument terrifiantes. Hein, et Je lui ai dit, docteur, si vous et moi avions été dans cette voiture avec eux, qu'est-ce que nous aurions vu? Est-ce que nous aurions vu Betty et Barney simplement rouler comme ça, puis voir une lumière dans le ciel? Ou est-ce qu'on les aurait vus arrêtés par un objet qui bloquait la route, et puis ces petits êtres qui les emmenaient à l'intérieur? Et il m'a dit, je peux absolument pas répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est réel pour eux. C'est-à-dire, c'est réel, ça fait partie de la réalité de mes patients. Je ne peux pas vous dire ce que vous et moi, on aurait vu à ce moment-là. Votre mère est votre référence. Vous recherchez en toute femme l'image maternelle. Pour vous, mesdames, votre... Exactement. Alors, on continue notre conversation. Hein. Je rappelle votre livre, quand même, il est bon de temps en temps, parce qu'il mérite le détour, car au-delà du phénomène... J'ai beaucoup aimé cette impudeur qui est la vôtre, où on voit les mélanges, je dirais, de psychologie personnelle, de philosophie également, de façon d'envisager l'existence. On sent l'homme qui aime vivre. Et puis, cette difficulté, dans la différence qui est la vôtre, à insérer le monde, à vous faire comprendre. Et donc, tout cela rend le livre extrêmement attachant, au-delà du phénomène. Et c'est donc une originalité en soi qui permet d'entrer dans un univers qui est celui de la recherche d'un homme sortant de cette façon de vivre le quotidien dont on souffre pour la plupart. Alors, Jacques Vallée, Science Interdite, journal 57-69. Il y aura également tout un reportage dans le journal de l'association Onde sur vous prochainement. Et puis, continuons donc. Alors, il y a ce cas de la famille Hill, mais il n'est pas le seul. Et dans votre livre, à un moment donné, on va faire un saut un peu plus loin, c'est au Brésil. Où on a retrouvé deux techniciens qui étaient montés sur une montagne afin de prendre rendez-vous avec des extraterrestres. C'est bien cela. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ? Tout à fait. Et je crois que là, on touche l'aspect du phénomène qui continue de me passionner, continue à m'inciter à poursuivre cette recherche, ce qui n'est pas évident, hein, parce que on tombe dès qu'on n'entre pas dans le catéchisme de l'ufologie ou du scepticisme. On tombe dans une série de chapelles et les ufologues ont vraiment une attitude totalement inepte vis-à-vis des scientifiques pour essayer de convaincre les scientifiques de s'intéresser à la question. L'ufologie est un bastion d'ineptitude de ce point de vue-là. Allez, laissons-les de côté. Ce qui nous intéresse, c'est vous en tant que... Le phénomène lui-même dépasse tout ça et il nous force à nous poser des questions non seulement sur la vie extraterrestre, sur ce genre de phénomène, mais sur notre histoire sur la Terre et sur la nature de la réalité. Alors, il y a beaucoup de choses en science aujourd'hui qui interrogent la nature de la réalité. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les phénomènes religieux, sur les miracles, soi-disant. On peut faire un parallèle entre les effets. Si on retire le dogme, c'est-à-dire si on retire la croyance des ufologues ou des différentes sectes ou des différentes religions, et qu'on regarde simplement les phénomènes, il y a un parallèle absolu au cours de toute l'histoire entre le phénomène OVNI tel qu'on peut le voir aujourd'hui et les phénomènes religieux. On peut voir Fatima, par exemple, au Portugal. Alors, au Brésil, il y a effectivement un certain nombre de groupes qui se sont passionnés pour ce genre de choses et qui ont cru qu'ils pouvaient rentrer directement en contact avec ce phénomène. Alors, ils envoyaient par exemple un message ou pas? Ou ils se postaient au-delà d'une montagne? Alors, et puis ils attendaient parce qu'ils pensaient, en fonction d'informations qu'ils auraient pu détenir ou cru détenir, que théoriquement, une piste d'atterrissage qui était là. Ils pensaient qu'ils étaient en contact, qu'ils avaient reçu des messages de la part d'extraterrestres et de sorte de conscience liée au phénomène et qu'ils allaient avoir une rencontre. Et ces deux techniciens avaient visiblement ingéré quelque chose, des capsules particulières qui devaient leur donner un état de conscience altérée, modifiée. Et on a retrouvé leur cadavre sur cette montagne. Avec un masque de plomb sur les yeux. Les journaux l'ont appelé le mystère des masques de plomb. Le message qu'ils avaient reçu disait qu'il fallait qu'ils protègent leurs yeux de la radiation de l'objet qu'ils... Ce qui est curieux, c'est que des personnalités brésiliennes, ce jour-là, avaient indépendamment fait un rapport sur une lumière lenticulaire qu'ils avaient vue au-dessus de la montagne à ce moment-là. Ça n'a jamais été expliqué. Je suis retourné au Brésil, j'ai fait trois voyages au Brésil, j'ai maintenant des amis, des correspondants, je suis allé sur les lieux avec le témoin qui avait découvert les corps et avec le détective de la police de Rio qui continue à faire une enquête sur le cas. Parce que ils ont, bien entendu, c'est un cas qui n'a pas été résolu, et la police a un certain nombre de dossiers qu'ils continuent à regarder, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas classé. Est-ce que l'on pourrait simplement penser qu'il s'agisse bien d'un fait divers, d'un criminel particulièrement bien mené, et qu'on ait du mal à pouvoir récolter des indices pour confondre les auteurs du crime, mais est-ce que cette hypothèse-là est recevable ou elle est totalement à écarter? Est-ce qu'il y a, disons, dans les éléments dont on dispose d'observation sur les lieux du crime, les indices qui laisseraient supposer que non, il y a bien eu là une manifestation qui ne peut pas être dans le registre terrestre, je dirais. Non, je crois que sur ce cas-là, on ne peut pas se prononcer. C'est-à-dire, d'abord, il n'est pas évident qu'il y a eu crime. Il est possible qu'ils aient pris une dose létale de cette substance qu'ils avaient prise. Je pense qu'ils étaient... On sait beaucoup de choses sur eux quand même. On sait qu'ils faisaient des expériences. C'était des techniciens en électronique. On sait qu'ils avaient fait un certain nombre d'expériences pour essayer de contacter le phénomène. Là où il y a une autre région du Brésil où il s'est passé quelque chose de beaucoup plus intéressant, à mon avis, du point de vue physique, c'est à l'embouchure de l'Amazone. J'ai passé 15 jours avec une équipe brésilienne parce qu'il y avait une série de rapports sur des blessures, vraiment une vague d'OVNI qui s'était passée en 77, qui était d'une intensité telle que l'armée de l'air brésilienne a envoyé une équipe sur place, une équipe de renseignement, qui comprenait des gens des radars, qui comprenait des photographes, qui comprenait des cinéastes, qui comprenait des experts en renseignement, et qui ont campé pendant 3 mois sur une plage de l'île de Colares, où les phénomènes se produisaient. Et les phénomènes se produisaient tous les soirs. C'est-à-dire, ils voyaient des objets qui sortaient de l'eau, ils voyaient des objets qui venaient du ciel, ils voyaient des objets qui arrivaient de tous les points de l'horizon. Il y a eu des films de tournée? Absolument. Ouais. Et des films, et des photographies, des enregistrements radar. Il y avait l'équipe donc militaire, l'équipe de renseignement militaire était d'une cinquantaine de personnes. Donc ils ont campé là pendant 3 mois. La population locale avait évacué l'île. Il ne restait plus que quelques personnes, il restait un médecin que j'ai pu interviewer, qui a soigné un certain nombre de témoins. Typiquement, ce qui arrivait, c'est que les objets s'approchaient des habitations et émettaient une sorte de faisceau qui avait un effet physiologique sur les témoins. Alors, il y avait un certain nombre de rumeurs. Ils se retrouvaient, par exemple, immobilisés, c'est ça, dans la capacité? Ils se retrouvaient immobilisés ou ils se trouvaient affaiblis au point qu'ils pouvaient à peine se traîner dans les jours qui suivaient. Il y a une personne qui est décédée, une personne âgée qui est décédée, mais le faisceau, si vous voulez, n'était pas une arme. Mmh. C'est-à-dire, c'était pas. On saurait très bien faire une arme qui tuerait les gens directement. Donc, c'est pas nécessairement l'intention, si intention on prête au phénomène, c'était pas nécessairement d'être hostile à la population. Mais la population l'a perçu comme ça. Donc tous les gens qui avaient de la famille sur la terre ferme sont partis. Les pêcheurs n'allaient plus à la pêche, donc l'île n'était plus alimentée parce qu'en général ils pêchent la nuit. Et la nuit il y avait ces objets. J'ai passé une journée entière sur la base militaire proche, à Belém, la base militaire du Primeiro Comar, qui est une région du Brésil qui est de la taille de la France, qui couvre toute la basse Amazone, avec le militaire qui dirigeait cette task force, qui avait dirigé cette équipe. Donc, là, c'était eux qui étaient les témoins. C'est-à-dire, les militaires n'étaient pas venus pour interroger les témoins, ils étaient venus pour être témoins. Et ils m'ont donné accès à leur rapport sur leurs observations. Et c'est ce genre de document qui devrait être mis à la disposition des scientifiques. Ça, c'est mieux que Rencontre du troisième type de Spielberg, dont vous êtes le héros, le scientifique, c'est vous, dans ce film, joué par Truffaut. Alors, revenons, ce dossier inimaginable, bon, vous y avez accès, ces militaires qui deviennent en quelque sorte les acteurs de la situation. Absolument. Acteurs volontaires. Oui. Qu'ont-ils vécu ? Ou du moins la sensation de vécu. Ce qu'ils décrivent, c'est des objets physiques, matériels, qui ne ressemblent non, qui étaient de toutes sortes de formes. Il y avait des disques, il y avait des ovoïdes, il y avait vraiment une série de formes différentes, des objets de très grande dimension, dont certains sortaient des eaux de l'Amazon, qui étaient illuminés. Ils ont pris des, j'ai vu les photographies. J'ai pas vu toutes les photographies. Est-ce que vous qui êtes scientifique, hein, rappelons, vous n'êtes pas le premier venu, bon, vous êtes vraiment un vrai chercheur, astronome, vous avez commencé à l'observatoire de Meudon, avec les dossiers de l'Air Force, etc. Non, mais il est bon de le rappeler, parce que celui qui prendrait éventuellement l'émission en cause, je dirais, bon, on a un vécan illuminé. Vous êtes l'un des personnages dont, je dirais, les neurones sont en agitation perpétuelle et à l'affût de toutes les avancées des sciences en tant qu'informaticien aujourd'hui. Donc on ne vous leurre pas comme ça. Quand vous voyez ces photos-là, est-ce qu'il y a une possibilité de trucage ? Non, absolument pas. Bon, ça c'est non. Le premier point. Non. Deuxième point, on va revenir après au témoignage en tant que tel. Je suppose qu'on a essayé de faire des relevés sur le terrain afin de voir s'il y avait des indices. Les trajectoires sont connues. Les trajectoires sont absolument cataloguées dans le rapport que j'ai vu. Il y a des rapports comme ça, il y en a d'autres, il y en a en France. Mais ce qui était intéressant sur cette vague brésilienne, c'était l'intensité du phénomène. Bien sûr, restons simplement dans l'observation. Hein, on est à vos côtés, là on a les dossiers et on essaie de voir. Est-ce qu'il y a, par exemple, sur le sol, des traces qui laisseraient donc la preuve, qui affirmerait qu'il y a bien eu des objets qui se sont posés là ? Les objets en général ne se sont pas posés. D'accord. Mais il y a d'autres cas, notamment aux États-Unis, où on a des traces. Il y a des cas en France qui sont bien connus, qui ont été bien répertoriés, ne serait-ce que Trans-en-Provence, le cas sur lequel le GEPON a travaillé, où il y a des traces qui ont pu être analysées. J'ai constitué une petite collection personnelle de matériaux, si vous voulez, de résidus matériels qui ont été liés à l'observation d'un objet au sol, que j'ai analysé. Alors j'ai la chance d'avoir accès à des sociétés de haute technologie où ce genre d'appareil est disponible, et j'ai pas mal d'amis, si vous voulez, à Silicon Valley et ailleurs, qui m'ont aidé à faire ces analyses, que j'ai publiées d'ailleurs. Alors ces analyses, là on oublie deux secondes les Brésiliens, mais on va y revenir, on va pas se perdre. Ces analyses, est-ce qu'elles permettent de dire, tiens, on est avec des molécules qui ne sont pas les molécules dont on a les composants sur jusqu'ici, le globe terrestre. Ce qu'on a pu dire, notamment, il y a un article publié récemment par le professeur Sturrock à l'université Stanford, analysant justement un de ces échantillons. Voilà, ouais, c'est ça. On a été jusqu'à l'analyse des isotopes. Hein, on peut, parce que même si c'est un élément qu'on trouve sur la Terre, si la composition isotopique est différente, on pourrait dire que ces éléments sont venus de l'espace extraterrestre. D'accord. Et jusqu'ici, la réponse est non. Notamment, ces échantillons ont été analysés avec la collaboration de laboratoires français, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que l'analyse des échantillons confirme ce qu'ont dit les témoins. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne trompent pas dans la structure des échantillons, qui correspondent à ce que le témoin nous raconte. Donc si le témoin nous racontait c'était un canular, on pourrait le trouver, on pourrait espérer le trouver en analysant. Mais il y a une chose sur laquelle je veux revenir quand même. C'est vrai que j'ai une formation scientifique, c'est vrai qu'il y a des gens comme Heineck, comme Sturrock, comme Claude Poher en France, comme Pierre Guérin qui ont analysé ces cas sur le terrain, mais on n'a pas fait de la science. C'est-à-dire on a fait ça, on a abordé le phénomène avec notre formation scientifique. Oui, donc avec beaucoup de logique. Non, mais avec beaucoup de logique. Oui, mais on n'avait pas avec nous l'appareil de la science. D'accord. C'est-à-dire on faisait ça, un petit peu à temps perdu, le week-end, je continue à le faire, je continue à financer mes propres recherches, donc à me limiter au cas que m'envoient mes lecteurs, par exemple. Mais bien que je sois scientifique, j'applique la méthode scientifique dans mes petites études, on ne peut pas appeler ça de la science. D'accord. Il n'en reste pas moins, c'est le sérieux de l'approche, et puis après, donc, le matériel humain, là, les témoignages. Il n'y a pas que les mots, en l'occurrence, il y a les témoignages physiologique, puisque des traces absolument apparaissent sur les corps. Et au Brésil, il y avait eu 50 patients qui ont été traités, soit par le dispensaire local, soit par le groupe militaire. Alors, de quoi souffrait-il ? De brûlures, par exemple ? Alors, il présentait d'une part des... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des brûlures, mais il présentait, d'ailleurs, dans un de mes livres, j'ai publié les photographies des lésions, des petites lésions circulaires sur la peau, en général sur la face ou sur le torse. Est-ce que toutes ces lésions étaient identiques d'un corps à l'autre ? Elles étaient identiques. D'accord, c'est important. Il souffrait d'anémie. Il souffrait d'une faiblesse générale. D'ailleurs, la seule personne... Alors, il y avait des rumeurs qu'il y avait des gens qui avaient été tués par les objets, etc. Ça, on a pu vraiment l'exclure en allant sur le terrain. Mais il y a une personne qui est morte, qui est morte essentiellement de faiblesse. Et d'émotion, si on peut penser. Et peut-être d'émotion, mais surtout de faiblesse. Une personne, âgée. Mais encore une fois, c'est pas une arme. Les militaires, bien sûr, les militaires brésiliens, c'était encore une fois une équipe des renseignements militaires, des renseignements de l'armée de l'air brésilienne. Ils cherchaient à l'origine s'il y avait une expérimentation d'une arme étrangère. Hein, c'était clairement... Ça a rapidement débordé ce cadre. Alors, un des problèmes... Est-ce que parmi les militaires, lorsqu'ils se retrouvent en situation d'acteur témoin, certains se retrouvent avec ces stigmates physiologiques? À ma connaissance, non. À ma connaissance, il n'y en a pas eu dans cette équipe. D'accord. Et dans d'autres points du monde, lorsqu'il y a eu ce type de pseudo-contact, gardons le terme pseudo-contact avec les extraterrestres, est-ce qu'il y a des personnages qui soient des personnages ayant une notoriété, étant des scientifiques patentés, etc., etc., et dont on puisse moins mettre en cause la parole? Oui, mais alors souvent, ces observations restent confidentielles. Et c'est un des drames du problème aujourd'hui, c'est que les médias, excusez-moi, mais les médias ont tellement vraiment prostitué le sujet, l'ont tellement polarisé et rendu sensationnel, que les vrais témoins, c'est-à-dire les témoins qui ont vraiment quelque chose à dire et qui risqueraient leur carrière, ne parlent plus. Mais est-ce que vous en avez rencontré, vous, personnellement, sous le sceau du secret ? Je vous donne un exemple récent. Le président d'une société de haute technologie à Silicon Valley, qui connaît mes recherches et qui m'aide, m'a dit qu'il avait un ami qui voulait me parler de ses observations. Cet ami est un officier de la marine. Donc on a déjeuné ensemble, il m'a raconté qu'il avait vu trois fois des objets, la première fois quand il était adolescent au Texas, les deux autres fois il était aux commandes d'un jet de haute performance, et il avait été suivi, ou il avait observé des objets, notamment un objet au-dessus de lui qui était clairement à une altitude, il connaissait les performances des jets, altitude inexplicable et sous un aspect inexplicable. Alors je lui ai dit, bien sûr, la question à 64 000 dollars ou à 64 millions de dollars, à qui avez-vous raconté ça, et qui vous a, est-ce qu'il y a un projet secret qui vous a recueilli votre observation? Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, je ne serai pas aujourd'hui le commandant d'un porte-avions nucléaire dans la marine des États-Unis d'Amérique si j'avais raconté ça à qui que ce soit. Alors, ça, bon, on comprend, effectivement. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais avoir un éclairage. Vous êtes adolescent, vous voyez un ovni. Lui, il a une première expérience, il est jeune. Peut-on imaginer que des personnages comme vous, qui sont très tôt dans l'effervescence de l'esprit, qui lisent énormément, qui sans doute avaient quelques incursions dans la littérature de science-fiction, ce soit leur corps défendant, imprégné d'une sorte de fantasmagorie, que dans l'appétence de vie qui est celle du jeune, un jour ils interprètent un phénomène, et que ensuite, eh bien, que ça mature au fond de soi sans qu'on s'en rende compte, et que ça aide à l'émergence de quelque chose? Je passe beaucoup de temps à écouter les témoins. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours une première expérience dans la jeunesse comme ça, une sensibilisation qui se ferait de façon précoce? Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de témoins qui me disent « j'ai jamais cru à ces trucs-là ». Je croyais que tous ces gens-là avaient des hallucinations, des visions. Et puis, un jour, ça m'est arrivé. On a tendance... Bon, il est très, très tentant de... Le phénomène est tellement varié que quand on a une hypothèse, on peut la prouver. C'est-à-dire, si vous me laissez choisir, il y a une base de données qui est tellement large que si vous me laissez choisir les cas, vous me donnez une hypothèse, je vous l'approuve. Ouais. À condition, bien entendu, de censurer tout le reste. Bien et sûr, ça, bon, on le passe sous le tapis, bon, on parle plus. Mais ça, c'est le propre de l'intime conviction. Bon, dans un enquêteur, il est là, même s'il se croit honnête, il se dit c'est un tel qui est le coupable, il va chercher les preuves à charge, il va construire son raisonnement. Absolument. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la science. Donc, j'ai essayé, et j'ai d'ailleurs antagonisé beaucoup de gens en faisant ça, j'ai essayé de ne pas adhérer à une hypothèse quelconque. Alors, l'hypothèse extraterrestre, elle est possible, bien sûr, c'était la première hypothèse qu'on avait au début. Ça semble évident, quand on est astronome, ça semble évident que la vie doit être un phénomène très répandu dans l'univers. D'ailleurs, en ce moment, on découvre des planètes nouvelles toutes les semaines. C'est une hypothèse parmi d'autres, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Bon, Jacques Vallée, il y a un petit point quand même sur lequel j'aimerais revenir. Tout à l'heure, vous disiez, ils sont acheminés, ces personnes qui ont des brûlures ou qui ont des traces, dans les services hospitaliers. Donc là, il y a une observation sérieuse qui a été effectuée. Je voudrais savoir, est-ce que l'on a pu remarquer, par exemple, une charge ionique ou atomique plus dense que chez un personnage? Les effets, bon, la première chose qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'ils ont été exposés à des radiations, par exemple. Alors, on pourrait expliquer ces lésions et ces effets par une combinaison d'un faisceau de micro-ondes, par exemple. Mais ça ne ressemble pas à l'effet des radiations classiques. Il y a par contre un cas aux États-Unis, mais où il est incontestable que les trois témoins, c'est à côté de Houston, les trois témoins ont vu un objet très brillant dans le ciel et ont perdu leurs cheveux après, enfin, une série de lésions après, ils n'en sont pas morts. Et il y avait autour de cet objet une vingtaine d'hélicoptères. Alors, ça, comme, bon, il était évident, la route était brûlée aussi, la route était fondue. Mais est-ce que l'on pourrait imaginer là un prototype ennemi? Oui, absolument. Alors, on a retrouvé d'où venaient les hélicoptères. Ça a été très très loin. Il y a une enquête de l'armée qui a retrouvé les hélicoptères. Il semble qu'il s'agissait d'un prototype de propulsion nucléaire, hein, ça existe, on a beaucoup étudié la propulsion nucléaire, qui était peut-être transporté d'une base à une autre. On est dans les fameux dossiers qui, a priori, intéressent l'ufologue, mais qui, en réalité... Qui débordent sur autre chose. D'accord. Oui. Et qui laissent comprendre qu'éventuellement, bien tous les gouvernements, les armées, les services secrets, aient tendance à mettre sous le manteau, quoi qu'il arrive... Oui, sous le manteau, ou alors le contraire. Et alors, là, c'est là qu'il faut faire très attention, il faut vraiment faire la part des choses. Par exemple, je suis un petit peu tombé dans un panneau, il y avait des cas dans les années 70 en Union soviétique, où les gens décrivaient, c'était dans les journaux soviétiques, les gens décrivaient une espèce de croissant lumineux jaune qui se déplaçait dans l'atmosphère, et on s'est aperçu après... En fait, ces cas étaient plantés dans les journaux par le KGB pour expliquer des lancers de fusées illégaux. Les Russes violaient en fait le traité SALT en envoyant des satellites illégaux dans l'espace. Et comme ils ne pouvaient pas cacher la fusée quand elle montait, cette fusée était avec une double tuyère qui faisait quelque chose qui ressemblait à une soucoupe volante jaune. Et ils avaient planté dans les journaux le fait qu'il y avait des ovnis dans cette région de l'Union soviétique. Il faut quand même le faire. Enfin, ce qui est bien, c'est que vous nous rapportez tous les faits et ça rend d'autant plus troublant le dossier, car là, il est évident qu'on finit par abonder dans votre sens, on n'est ni pour ni contre, on est au moins persuadé d'une chose, c'est qu'il se passe effectivement des événements qui méritent le détour. Ben oui, Jacques Vallée, hein, je crois qu'on ne peut pas en rester là parce que on est trop pris par ce que vous nous donnez comme information. Et puis, je crois qu'on ne pourra pas non plus passer à côté l'hypothèse de phénomènes qui soient purement psychique, mais qui, de par cette hypothèse-là même, les rendrait encore plus attachants et qui méritent développement. Parce que je vous propose, on voit ça juste après le flash. Bon, eh bien, tout de suite, on se rappelle la contrariété de la matinée, à savoir que l'émission est enregistrée car notre invité vivant aux États-Unis ne pouvait pas être là en direct ce matin, donc vous ne pouvez pas téléphoner. Néanmoins, vous pouvez nous adresser des courriers par email et autres, et on s'arrangera pour que vos témoignages puissent être auscultés par Jacques Vallée, si vous le souhaitez. Alors Jacques Vallée, il est astronome de formation, il est informaticien aujourd'hui, et pour la petite histoire, rappelons que dans le film de Spielberg, le scientifique incarné par Truffaut, c'est lui. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de ce qui se passait au Brésil, vous nous avez ouvert donc bien des perspectives, mais moi j'aimerais revenir sur une autre information qui apparaît dans votre ouvrage. À un moment donné, vous parlez de scientifiques, je crois que c'était des scientifiques, mais si je me trompe, vous me corrigez bien sûr, enfin tout du moins d'un groupe de personnes qui est en situation de spiritisme et qui vont faire apparaître une soucoupe. Racontez-nous ça. Alors, c'était pas vraiment des scientifiques. Enfin, il y avait des gens qui étaient de haute technologie, mais c'était en fait des équipes des renseignements américains. Et ça avait commencé par un lieutenant de la marine qui avait enquêté sur un cas où il y avait une femme qui faisait de l'écriture automatique et qui était persuadée qu'elle était entrée en contact avec une forme de conscience extérieure, disons. Et que cette forme de conscience extérieure lui disait qu'elle pouvait se manifester physiquement. Et donc ça avait intrigué ce lieutenant et ses amis. Et ils avaient réuni une équipe de très très haut niveau, une équipe des renseignements militaires américains. Et ils avaient ce lieutenant pensait qu'il pouvait lui-même faire de l'écriture automatique et contacter cette même entité, de conscience extérieure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il a contacté cette entité, mais quand il a posé la question « est-ce qu'on peut voir quelque chose ?», la réponse était « aller à la fenêtre ». Ils ont été à la fenêtre et au-dessus de Washington, ils ont vu un ovni. Il y en a un qui s'est précipité sur le téléphone, qui a appelé le centre de radar, des radars militaires au-dessus de Washington, qui lui ont dit que le radar était bloqué dans cette direction-là. Donc alors, il y avait une information qui aurait été reçue par le centre radar, en l'occurrence. Le radar lui-même était bloqué. Et le radar ne voyait rien dans cette direction. Ah bon, d'accord. Il y avait d'accord. Une panne dans cette direction. Ah, il y avait une panne. Et ça n'a jamais été expliqué. C'est une situation assez absurde. Ils n'en ont jamais parlé. Ça a fait l'objet d'un rapport confidentiel qui est parvenu au professeur Hynek. Et c'est ainsi que je l'ai appris. J'ai rencontré plus tard un des participants qui s'appelait Arthur Landau, qui était le fondateur en fait des études par satellite, d'abord par de la photographie, des renseignements photographiques aux États-Unis et ensuite des satellites. C'est lui qui était venu à Paris montrer au général de Gaulle les photos de Cuba au moment de l'intervention au moment des problèmes de Cuba. Donc c'est lui qui dirigeait le centre d'interprétation photographique des services américains. Et il faisait partie de ce groupe et m'a confirmé qu'il n'avait jamais pu comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Alors est-ce qu'il y a une sorte de constante lorsque l'un de ces phénomènes se produit, qu'il y a suffisamment de témoins, qu'apparemment le cas soit recevable et que les objets d'observation, style radar et autres, tombent en panne? Est-ce que ça, c'est une... Ça serait... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas la méthodologie. Bon, c'est une anomalie. Comme le disait Niels Bohr, l'auteur de la théorie de l'atome, il n'y a pas de science sans anomalie. Mm-hmm. Hein, il faut, dans un laboratoire, on fait des expériences, puis une expérience qui marche, puis une autre expérience qui ne marche pas comme elle devrait, c'est une anomalie, on creuse l'anomalie, c'est comme ça qu'on avance dans la découverte. C'est comme ça qu'on découvre la radioactivité, c'est comme ça qu'on découvre les particules élémentaires, c'est comme ça qu'on découvre la mécanique quantique, etc. C'est en avançant dans les anomalies. Donc une anomalie, pour un scientifique, c'est pas choquant. Mais on l'a laboratoire, vous avez par définition autour de vous la méthodologie, les instruments, etc. pour avancer dans l'étude de cette anomalie. Quand vous êtes sur le terrain et qu'un truc comme ça arrive, vous êtes pris par surprise, la méthodologie n'existe pas. C'est là que les scientifiques devraient rentrer dans le dossier, bien ne sûr. Pas le laisser à non, des mais simplement, ou... simplement, puisque vous avez eu accès, et pendant des années, bon, à ces dossiers de l'Air Force, et que vous ne le faisiez pas en pirate, que les autorités le savaient, que vous pouviez leur poser des questions. Je suppose que dans la structure d'esprit qui est la vôtre, extrêmement logique, vous avez cherché à savoir si lorsqu'un phénomène qui semblait avéré se produisait, il y avait sur les radars, sur les éléments d'observation satellite, des points d'ancrage qui vérifient l'information. Oui, absolument. On a ce genre de dossier. On en a de plus en plus. En regardant historiquement, si vous voulez, en remontant un petit peu l'histoire du phénomène, on retrouve tous ces éléments. Mais est-ce que dans d'autres cas, et avec suffisamment de constance, il y aurait le mutisme des objets, une sorte de paralysie telle ce que vous avez évoqué il y a quelques instants? C'est-à-dire que le radar est en panne, il est bloqué. Est-ce que ça s'avérerait souvent aussi? Une sorte d'affolement de la matière, ou au contraire de fainéantise de la matière, de panne ou de grève, hein, voilà.